Mais lui n'on va pas vivre l'éternité. On ne va pas même vivre plus de 100 étés. Mais j'aurais aimé que tu me donnes plus que 2 heures au bout de tes yeux. Que 2 heures au bout de tes yeux. Que 2 heures au bout de tes yeux. C'est que je ne te plais pas. J'aurais accumulé tant de faux pas. Mais tu m'auras jamais laissé. Que 2 heures au bout de tes yeux. Que 2 heures au bout de tes yeux. Que 2 heures au bout de tes yeux. Périne, tes yeux ont bu l'azur du ciel. Je ne me lasse pas de les contempler. Je ne me lasse pas jamais assez. Que 2 heures au bout de tes yeux. Que 2 heures au bout de tes yeux. Que 2 heures au bout de tes yeux. Périne, raconte-moi tout ce que tu veux. Ta voix est si belle, les oiseaux se sont tus. Et la mer a arrêté de s'échouer. 2 heures au bout de tes yeux. 2 heures au bout de tes yeux. Au bout de tes yeux. Périne, tu m'as donné tant de joie que ma tête a tourné. Tu m'as donné tant de vie qu'elle s'est embellie. Je n'aurais sans doute jamais aimé. Que 2 heures au bout de tes yeux. Que 2 heures au bout de tes yeux. Au bout de tes yeux.